Poison caché. Les laboratoires cachent des secrets bien gardés, des pilules dorées, des promesses à briser, des profits en hausse, des vies à changer, des âmes en peine, des destins dérangés. Des rêves en poudre, des espoirs en flacon, des vies en jeu, des cœurs en béton, des sourires vendus, des larmes en carton, la vérité se cache sous un voile de poison. Des jardins fleuris, des épines cachées, des sourires vendus, des âmes blessées, des rivières d'or, des vies enchaînées, sous le masque du jour, les larmes versées. Des rêves en poudre, des espoirs en flacon, des vies en jeu, des cœurs en béton, des sourires vendus, des larmes en carton, la vérité se cache sous un voile de poison. Des vies en balance, des voies à faire, des âmes en peine, des cœurs à terre, des profits en hausse, des vies à défaire, mais qui se soucie des âmes en guerre? Des rêves en poudre, des espoirs en flacon, des vies en jeu, des cœurs en béton, des sourires vendus, des larmes en carton, la vérité se cache sous un voile de poison. Un voile de poison. Des océans de rêves, des vagues de doutes, des vies en enjeu, des chemins sans route, des sourires en carton, des cœurs en déroute, sur le voile de la mer, des vérités en déroute. Des rêves en poudre, des espoirs en flacon, des vies en jeu, des cœurs en béton, des sourires vendus, des larmes en carton, la vérité se cache, je vous dis, sous un voile de poison. Des vies en jeu, des cœurs en béton, des sourires vendus, des larmes en carton. La vérité se cache sous un voile de poison, mais qui entend les cris des oubliés? Des rêves en poison, en poudre, des espoirs en flacon, des vies en jeu, des cœurs en béton, des sourires vendus, des larmes en carton. La vérité se cache sous un voile de poison. Des cieux de promesses, des nuages de peine, des vies en jeu, des cœurs en chaîne, des espoirs en poudre, des âmes en peine, sous le voile du ciel, des vérités en chaîne. Des rêves en poudre, des espoirs en flacon,